arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. J'ai beau me dire que la haine se déchaîne, que l'amour est mort, mais ce n'est pas vrai. Comment t'aimer quand mes peines sont des chaînes qui m'emprisonnent dans le passé. Tu reviens quand je m'attends pas, dans mon cœur attentat, et la colère effacée. Mais si la colère s'en va, la douleur reste là, il ne fait que se tasser. Je peux pas passer mon temps à te rassurer, c'est pardonner, pas le passé. Oublie tes peurs, je suis là, je vais plus m'en aller, je fais que rater. Arc-en-ciel 96.2, bienvenue à tous si vous venez nous rejoindre à votre émission tropicale jusqu'à 20h avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était une petite nouveauté que j'aime beaucoup d'ailleurs pour commencer, pour cette belle entrée en matière, en tout cas du plein de soleil. C'était le titre Alchimie interprété par Nestlé et Mickaël. La musique continue avec d'autres nouveautés, puis il y aura du compas aussi, il y aura des coups de cœur et puis il y aura des hommages. Allez, restez bien branchés sur le 96.2. C'est Chantal qui vous accompagne. Savais-tu vraiment pas tout, mais je ne savais comment faire pour mériter tout cet amour qui m'est offert. C'est vrai que l'on tente, mais parfois on se trompe. Après avoir dépassé les limites de lente, moi de la descente. Mais pourtant j'étais persuadé que je ne te ferai jamais de mal, c'est insincère. Tout l'amour que j'ai pour toi est une réalité. Confie en tes étrangers. Si on Fréquence Tropicale, c'est chaque jeudi entre 18h et 20h avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Tout de suite, un petit coup de cœur, souvenir, je suis sûre que vous allez vous en rappeler. En tout cas, également, une grosse pensée à Jacob Desvarieux. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Et alors je viens des sentiers, moi je vais ailleurs. Et alors on dit que chez toi les hommes sont tous bons parleurs. Et alors on dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fait. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. En termes de chata, Rive au Kaila, Badman au Kawia, Bella Chica Baila, Vini Brené Avocamo, Rive au Kaila, Badman au Kawia, Bella Chica Baila, Vini Brené Avocamo. La pali moun fragile, nous dans la bu nous ka fonctionne sans pile. Femme ka brené ka fait bouc perdre le fil. Ou ka penche baisser en un mais ça en pile. Oulala, ramène tes copines. Je suis avec Dan et les chatas de l'île. Tu as mal à la tête, je sais que ton aspirine ne soit pas si hostile. Tu as kiffé mon style. Rive en Kaila, Badman en Kaila, Bella Chica Baila, Vini brené avocamon. Rive en Kaila. Badman a carrière, Bella Chica Baila, Fini Brené Avocamon. Eye contact, je me rapproche, tu te frottes sur moi, c'est dans la poche. On bouge en bas dans le gamos, j'ai tout ce qu'il faut dans la sacoche. Mais avant, escale à la patoche. Petit coup d'œil, je guette le matos. Elle est belle, elle est bonne, il faut que je la galoche. Ce soir, j'ai eu la bonne pioche. Rive en Kaila, Badman en carrière. chica baila. Vini brene avant que mon rive en kaila. Badman a caria. Bella chica baila. Vini brene avant que mon la panie moun fragile. Nous dans la bulle, nous ka fonctionne sans pile. Femme ka brene ka fait bouc pède le fil. Ou ka penche baisse en MS ça en pile. Ouh là là, ramène tes copines. Je suis avec Dan et les chatas de Lille. Tu as mal à la tête, je sais que ton aspirine. Ne sois pas si hostile, tu as kiffé mon style. Rive en Kaila. Badman en Kaila. Bella chica baila. Vini brene avant que mon. Rive en Kaila. Badman en Kaila. Bella chica baila. Fini brene avant que mon. Tout le monde nous garde à vous. Personne ne va faire demi-tour. fwa ouve bouchou pou pale. Ou ka wè san tout moun tap tante. Aswe ala se ou ki ren, ou meriton kou kou ta men. Ou mede lantyo nan la ten. c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Si c'est pas nous, c'est qui? London. Ça, jardin, ni logique, mais en coulant pas collé. On volait temps et pas volet. On trompait moins en bas au valet. Plus qu'il n'en fallait. Mais en coulant pas collé. On volait temps et pas volet. On trompait moins en bas au valet. Où déjà en travers. Oh baby, tout va, oui, tout va. Allez, nous pas fâcher, tout va. Ça les fait pas effacer. Oh baby, tout va, oui tout va. Allez, nous pas fâcher. Cuba, et baiser, ça les fait pas effacer. Tu n'en follow pas, zéro photo pas. Tu vas quitter pas, oublie-moi, ne m'attends pas. Tu n'en follow pas, zéro photo pas. Tu vas quitter pas. Oh baby, tout va, oui tout va. Allez, nous pas fâcher. Cuba et baiser, ça les fait pas effacer. Oh baby, tout va, oui tout va. Allez, nous pas fâcher. Cuba et baiser, ça les fait pas effacer. Tropical, 18h-20h, c'était Kenzie avec ce titre Baiser Salé. Dans un mois, on y sera, un mois et une semaine, on y sera à l'Arena pour ce grand hommage à Jacob Desvarieux. Le groupe Kassab sera à l'Arena donc le 18 mai prochain, c'est complet, hein, n'essayez même pas d'avoir des places, c'est complet déjà depuis un moment. Je vous propose d'écouter, écoutez, moi j'avais envie de faire un petit retour en arrière avec Madame Jocelyne Desrouard, notre diva. Avec ce titre, un superbe titre d'ailleurs, hein. Mini-série. 18h-20h, groupe tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Tout petit, avant t'es là, nous t'es kawel pas aller, souris et puis marcher. Tout petit, dis-nous t'es qu'à clair, t'attends qu'il va y aller. Préparé pour ça, dis-le-moi. L'air d'avance, c'est pas de l'eau. Au calme, fonce à l'échelle. Ça te brûlera, l'air d'eau. Ou pas normal. Tout petit, maman de bon Dieu. Si délai, c'est charge pour moi ça clé. Pour que l'amour la vie moi, en que ça me consoler. Fini, fini, sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Bon, ça me bien aimé. La valeur n'a d'un point le nombre des années. C'est Biggie. Faut des claps, hein, faut des claps là. Qu'est-ce qui passe, nous vîmes caser, yo. Pâchez tout côté, y'a pas de toi, yo. Allez, n'a pas de yo. Qui va venir pour déranger, yo. Que ça qui te souhaite pour te tomber. Que l'autre qui espérait pas de vivre. Allez, n'a pas de yo. Mais qui va venir pour le bêtiser. La jeunesse a décidé pour l'attacher. Comme il n'a pas changé de vie, puis mauvais. Allez, n'a pas de yo. C'est même si les gars l'ont capable. Pour tout ça, car je vais essayer de me tromper. Si on va même moi, j'étendais. Allez, n'a pas de yo. Si mais qui c'est pour possible, pour parler, yo. Ou bien les billets sous tes comptes critiqués. C'est pas privé, les boules tombées. Gadjo Tia, nous faisons qu'il y a. Si nous y acceptons, nous avons la poubelle. Et je n'ai pas ça, c'est nous qui voulons. Fin de faveur, malgré nos politiciens, nous mais pour nous jouer, respect, nous pas décourager, la cabane à privé, bonne chance, attachez mieux, paléo, nous capables de faire le son pour business de marché, paléo, nous pas vieux à l'école, pas vieux à passer, paléo, on n'aime pas la voix. Sans mon plan, sans mon plan, oui, lui-même, La ma vie avec la bonté, est-ce que vous changez? Avec toi, viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles Mia, non. Et toutes les autres. sur le côté, ouais. Celui-là, c'est qui peut faire ça ton corps. Ne commence pas à douter, ouais. Une chose est sûre, c'est que t'en voudras encore. Encore, encore, encore. Mmh, viens avec moi, baler. J'aime ça quand tu m'appelles, Milano. Et toutes les autres sur le côté, ouais. Celui-là, c'est qui peut faire ça. La route est longue, mais jamais sans toi. Si je pouvais l'abandonner, je passerai toutes mes nuits avec toi. Oui, j'aimerais vraiment essayer, mais j'ai peur pour mon corazón. Mon corazón. Il se fait tard, je veux plus jouer. La partie est longue, je n'ai pas le temps pour ça. Pourquoi prier, être à tes côtés? Ce n'est pas moi qui vis avec toi. Pourquoi jouer? Elle va gagner. Elle était là avant tout ça. Et tu joues de moi. Corps à cœur, cœur à corps, corps à corps. Je ne peux pas me détacher de toi. Tu sais que je suis faible quand t'es là. Mais je sais que c'est aussi le cas pour toi. Tu réclames ma présence auprès de toi. T'es celui qui est fait pour moi. C'est elle qui dort dans tes bras. Mais je le sais, je suis celle qui est faite pour toi. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles Miano. Et toutes les autres sur le côté. Je suis la seule qui peut faire ça à ton corps. Ne commence pas à douter. Une chose est sûre, c'est que t'en voudras encore. Encore, encore, encore. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles. Pas ni temps, pas ni temps. Yeah. tropicale. Grosse tropicale chaque jeudi entre 18h et 20h. Oh là là, je capouille. Tu m'as battu. J'aurais pas dû faire une petite pause. Et en attendant, allez, 96 points de votre bonne fréquence pour un maximum de soleil. Elle a 18h, 20h, c'est Chantal qui les accompagne. Légèrement satinée, ces formes généreuses qui me font saliver. Près des grands noms de cœur, pourtant attentionnés. Une femme idéale, une amant passionnée. C'est vrai qu'elle est belle, on dirait une poupée. Elle la prend pas pour comme pour une cervelée. Avoir aidé. Elle a, tout est bien plus que je désire encore. C'est pour vous mentir. Si qu'elle a pas son lieu, c'est elle qui est tombée. Pas des biloukis, mais faut pas vous faire chier. Si vous voulez pas, si vous l'emmêlez des mauvais. Si tout va y caler, il pas ni temps pour jouer. Toujours capoter quand vous pourrez réaliser. Il pas matérialiser, il veut sincérité. Si vous venez pour tout cul, ils ont mis ou que tracé. Ma bonne est vie. Elle a, tout est bien plus que je ne désire encore. Je ne désire I'm Bien, mais ton pote fasse là. pas dormi, là ma pensée à ou chouchou. Oui, ma vie dit ou j'en jamais me dit doudou. Ou femme que si, en vérité, papi woudou. Pour le soumoué, c'est ça, ça m'a prévu si chou. Chouchou, papou, ma consommée, j'ai le peu comme le bébé. Hello. petit tatou. En vle pendant qu'on descend en bas à Noël. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Voyons là, voyons là-haut. Nice to nanny, get that weapon. Caress him, too small. Bunch of money. Nice to nanny, get that weapon. Caress him, too small. Bella Bay. Aïe baby, aïe baby, m'co les têtes, m'co les épaules, la frère ensemble nous. Ha ha. Caribbean X-Men, t'aimes sol, compas, Lord of Mercy. Bon, soyez à nous pas stressés. Nous continuons de faire un week-end prolonger. Fini décompressé. Lève la main en l'air. Achève nous cahier balancé. À gauche, à gauche, à droite. T-shirt, jean et puis tennis. Valide. Wop, talon, aiguille ou leggings. Valide. Nous pas fini faire feeling, nous fini pour la misère. Qui ou jeune, qui ou grand, qui ou nec, qui ou blanc. Nous fini poquer nous ensemble. Mais même si ça serait de là nous différents, nous pas qu'à faire semblant. Là nous qu'à poquer nous nous cassons. Pour soyez à nous pas stressé. Nous qu'à poquer nous cause si nous c'est un week-end prolongé. Fini décompressé. Lève la main en l'air. Achève nous qu'à y balancer. À gauche. fait lever dans même quartier. C'est dans même l'école nous t'ayez, pas besoin du genre habité. Jusqu'à ce que moi voyage, c'est qu'on fait va-et-vient, pas qu'être un bout chagrin. Moi, ça fait des hommes, pas qu'à mettre pied. L'amour kidnappé, et il n'est balisé. C'est même pas c'est maman mourir. C'est mon maman monter avec qui. Et l'itime, c'est qui va me danse du compas. En couleur. En couleur. Ça fait un moment que je fréquente les boîtes de nuit et les spots bars. Et pour une fois, je me suis trouvé sidéré devant une telle beauté. S'agit-il de l'effet ou de ces bazars? Les amis racontent que tu voulais quitter toute ma vie. À 18h-20h, le meilleur du son de la Caraïbe avec le groupe New Look. Et puis, il était accompagné, enfin, Harley Larrière, hein, le chanteur lead du groupe New Look, était accompagné de Greta Fili. Sur le 96.2, on continue comme ça. Ben, encore une bonne demi-heure, hein, passé un très très bon moment. Un titre qui fait un malheur actuellement aux Antilles, c'est Confusion avec le groupe Jackpot. 18h-20h, groupe tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est un monde qui se fait en pile dans nos relations. Pas t'appeler pour blesser qu'elle, pour t'avancer ça y en faire. Parce qu'elle me campe une cicatrice, je blesse ma femme.

phrase qui est là. Si maman est désolée, sœur s'est ferrée, qui va qu'à finir, madame ne passera. La première tétée, et qu'à venir fort, coucou cabaye. Mwen jwen na karma, même les ou pas répondre. M'espérer ou attendez. Bébé, où c'est oxygène, moi. La préférée vivre le dos. C'est là pour respirer encore. Où c'est ça qui nous fait, moi. Sans nous tant qu'on y en sort. Tout ce qui va voir, il y a son Que pa nunca les tubes de la Kizomba, bah, c'est Mademoiselle Marisa avec ce titre avec toi. Sur le 96.9, votre émission, bien votre émission, groupe tropical se termine. Je vous retrouve bien entendu, et bien écoutez, la semaine prochaine, hein, pas de problème. 18h, 20h. En attendant, ben, moi je vous laisse avec des petites, un petit zouk rétro. Je suis sûre que vous allez vous. Je sais même plus ce que je réponds parce que là je suis fatiguée. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu du mal à me concentrer cet après-midi, ce soir. Bien, en tout cas, sur le 96.2, je vous retrouve jeudi prochain, 18h, 20h, pour une nouvelle émission Groupe Tropical. Bon week-end à tous. Bye bye. Garde-moi, tu sens déjà présente, mais je ne suis pas insensible à ton charme et à ton élégance. La vie est mal faite, nous sommes ses acteurs. Ce qu'on a dans la tête reste dans nos cœurs, et notre amour est invisible. Malgré nous, on n'y peut rien faire. Nos sentiments sont en accord. Plus t'en sera-t-il notre année. C'est toi, malheureusement, le plus beau rapport sera notre amitié. Crois-moi, nous sommes unis, à jamais dans mon cœur. Un seul amour, échanger nos savoirs, pourquoi se déchirer? No país impede a criação de riqueza. Nesta edição às 7, conferimos as últimas novidades do debate do programa do governo.